La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les limites ont-elles des bornes et réciproquement ? Nous croyons tous savoir spontanément ce qu'est une limite. En réalité, les choses ne sont pas si simples. Car dès que nous identifions quelque part une limite, se pose la question de savoir si elle est accessible ou non, franchissable ou non, si elle est naturelle ou artificielle, si elle a ou non une épaisseur, si elle appartient ou non au domaine qu'elle délimite, etc. Or aujourd'hui, la question des limites, du corps, de l'espace, du temps, de la planète, des énergies, de la médecine, des ressources naturelles, de nos leviers d'action, colonise presque tous les grands débats de société. Certains d'entre nous, considérant toute limite comme une entrave, voudraient les supprimer. D'autres, qui les considèrent plutôt comme des protections, voudraient les renforcer, voire en établir de nouvelles. Serait-ce le signe que nous avons pris conscience d'être arrivés au bord de quelque chose ? Oui, mais de quoi ? C'est toute la question qui, sans doute, nous oblige à repenser l'idée même de limite. Quelle est son histoire ? Quel est son contenu ? Comment faire pour en bien user dans notre monde d'aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai invité deux personnes. D'abord, Monique Atlan, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, nous sommes en direct. Parfaitement. À distance, vous êtes journaliste, rédactrice en chef à France 2. Et j'ai également invité Roger-Paul Droit, philosophe, éditorialiste. Et vous avez écrit ensemble un livre paru aux éditions de l'Observatoire qui s'intitule « Le sens des limites » et qui répond très précisément aux questions que j'ai posées, d'où mon invitation. Est-ce que vous m'entendez tous les deux bien ? Parfaitement. Parfaitement. Alors, ma première question, qui n'est que l'effet de ma curiosité, est celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre à deux ? Je veux dire à quatre mains, car je suppose que vous écrivez au clavier et non au stylo. Est-ce que vous partagez la rédaction des chapitres ? Ou bien est-ce que vous écrivez ensemble chacune des pages ? Écoutez, c'est la troisième, si on ne compte pas le journal de confinement que nous avons tenu l'an dernier, c'est la troisième tentative d'écriture ensemble. On a écrit déjà deux livres auparavant, Humain, enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, donc qu'on évoquera probablement, un livre sur l'espoir, l'espoir a-t-il un avenir, et ce dernier livre sur le sens des limites. Et je dois dire qu'à chaque fois, il s'agit à la fois d'un bonheur absolu et d'un pugilat permanent, c'est-à-dire qu'on se dispute autant qu'on est heureux de faire cet échange ensemble. Et pour ma part, ce qui me frappe toujours quand je travaille avec Roger-Paul et que voilà qu'on se partage effectivement les chapitres, les passages parfois, des bouts de chapitres, selon nos préférences, c'est que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas peur d'être bousculé, remis en question, comme moi-même d'ailleurs. Et donc c'est ça qui rend l'échange tout à fait passionnant. Roger-Paul Droit, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, oui, parce que c'est une expérience. Je suis d'accord sur le fait qu'on rédige chacun, et après avoir parlé, bien sûr, d'abord, ensuite on échange les textes, grâce à cela, on arrive finalement à quelque chose qui est un résultat commun, mais c'est une drôle d'expérience, parce que quand on a mis au point oralement le thème d'un chapitre, quand l'un ou l'autre l'a rédigé, la réaction commence, mais c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Voilà, et il y a quelque chose qui est tout à fait fécond, je crois, dans cette étrangeté à la fois de pensée et d'écriture à deux, mais entre un homme et une femme. C'est aussi une chose assez étrange, avec chacun des parcours, des manières de voir. Ces livres, et en particulier le dernier sur les limites, c'est Monique qui en a plutôt l'idée de départ, l'impulsion, les contenus, et puis... Moi, j'ajoute des objections, des questions, des références, voilà. Mais pourtant, en vous lisant, on a le sentiment d'une très grande cohérence du propos. Ça veut dire que les disputes, les petits désaccords dont vous parlez, ont été lissés. Vous avez fini par converger. On efface les tumultes et la sueur. Oui. Mais est-ce qu'il y a, dans le rapport à la limite, une différence entre vous ? Et plus généralement, est-ce que vous pensez que le rapport à la limite est genré, comme on dit aujourd'hui ? Est-ce que les hommes ont une conception de la limite qui n'est pas la même que celle des femmes? Ça, je suis pas sûre. Je me garde de cette tentation actuelle de tout réduire au genre, finalement. Non, je crois que j'ai eu, en tout cas moi, un rapport plus conflictuel que Roger Paul avec l'idée de limite, et qui m'a donné envie tout au long de ma vie d'approfondir ces questions par la psychanalyse, par d'autres voies, et que c'est vrai que ce livre finalement est le résultat de ce cheminement que j'ai eu envie de partager avec Roger Paul, parce qu'il m'offrait aussi tout l'arrière-plan de quelqu'un qui au fond a eu un rapport plus tranquille, aux limites, à mon avis. Mais peut-être que c'est ce que je ressens, mais qui n'est pas ce qu'il ressent, lui. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Alors, c'est un livre dans lequel vous... Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous tentez de déconstruire, ou en tout cas de problématiser l'idée de limite, en montrant que ce qu'on a l'habitude d'en dire cache des difficultés qui sont très importantes. C'est même un sujet infini, dites-vous. Mm-hmm. Et puis à la fin, vous tentez de la reconstruire, cette idée de limite, sur de nouvelles bases. Et est-ce que je me trompe si je dis que ce qui semble vous intéresser d'abord, c'est notre présent, c'est le présent. Absolument. Beaucoup plus que l'idée de limite elle-même. Mais que, selon vous, c'est une réflexion sur la limite qui seule permet de dire le présent et ce que vous appelez ses impasses. Il y aurait comme une crise des limites. Totalement. S'il fallait raconter le livre en trois phrases, je dirais d'abord que la crise de notre époque, c'est sous tous les angles une crise des limites. Et dans sa radicalité qui oppose, on va en reparler sûrement, mais l'effacement des limites tous azimuts contre leur réinscription, leur redurcissement de tous côtés, eh bien... Ah, on vous a perdu. Sur l'idée de limite. Alors, Allô? Oui, on vous a perdu pendant 10 secondes, je suis désolé, c'était en direct. Bon, avec les risques de la technique, je disais que s'il fallait résumer en trois phrases, ce serait l'idée d'abord que notre crise globale de notre époque, c'est toujours une crise des limites, que l'idée de limite sert de filtre, elle traverse tout, que les crispations entre ceux qui veulent effacer et ceux qui veulent tout durcir tiennent au fait que l'idée même de limite est insuffisamment pensée. Elle est fruste, elle est simpliste, et qu'il faut effectivement, vous dites la déconstruire, nous dirions plutôt la revisiter, la trouver dans sa complexité, sa richesse, sa fécondité, pour peut-être débloquer des situations. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que on oppose souvent ceux qui ont cette tentation contemporaine très inédite de vouloir effacer toutes les limites dans une sorte de toujours plus, de mobilité permanente, de transparence, enfin, on y reviendra. Et puis, on peut opposer cela à ceux qui réclament à corps et à cri des limites rigides, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que, au fond, ces frères ennemis avaient au moins un point commun, c'est qu'ils étaient dans une sorte de logique du tout ou rien, ou pas de limite du tout, ou toutes les limites, une sorte de radicalité, d'intensité dans le rapport à une limite pensée de façon caricaturale, un peu trop hâtive, qui effectivement évacue toutes les nuances, toutes les complexités de cette notion, qui est au fond une notion tout à fait fondatrice et dont on a perdu le sens, je crois. En tout cas, si on commence par le début, la notion de limite a l'air assez simple. Finalement, on prend une feuille de papier, on trace au crayon une ligne qui va d'un bord à l'autre, et ce faisant, on délimite deux zones grâce au marquage d'une limite, justement. Et ça a l'air très simple. D'ailleurs, vous rappelez cet exemple au tout début de votre livre. Or, vous dites-vous qu'une science des limites est impossible. C'est un sujet tellement difficile qu'on ne peut pas en faire une science. Reprenons l'exemple très simple de la feuille de papier. Aussitôt se posent des questions qui sont très difficiles quand vous avez fait juste une ligne allant d'un bord à l'autre. Combien y a-t-il de parties dans cette feuille ? Simplement deux ou bien trois si vous incluez la limite ? Ensuite, la limite que vous avez tracée, elle appartient à quel côté de la feuille ? Ça, c'est un problème que les logiciens ont abordé et qui est évidemment extrêmement ardu. Et puis, si vous imaginiez que cette feuille de papier, quelles sont les deux parties? Est-ce que c'est des pays opposés? Est-ce qu'ils sont ennemis? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce que la petite ligne qui sépare les deux côtés de la feuille, elle aurait une épaisseur? Il y aurait dedans des véhicules? Qui règle la circulation? Est-ce que c'est un territoire neutre, la limite? Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on la traverse? Ou est-ce qu'elle est espace de circulation? Et limitor, dans le vieux latin de Virgile, par exemple, ça veut dire frayer un chemin. Mmh. Et c'est pas donc simplement l'idée de barrer quelque chose ou de séparer, c'est aussi que la limite elle-même constitue une zone de circulation possible ou un point de passage. Et puis vous avez pris cet exemple. Monique Atlan. Oui, vous avez pris cet exemple de la feuille de papier avec un tracé d'une limite, mais au fond, c'est déjà une simple représentation visuelle de la limite. Mais il y a plein de limites qui ne sont pas d'ordre topographique, topologique, qui sont au fond des représentations d'abord mentales, qui différencient, distinguent entre deux éléments. Et donc, il y a beaucoup, une limite morale n'est pas représentable sur un graphique. Donc, c'est vrai que c'est ça qui complexifie dès qu'il s'agit de vouloir ramener toutes les limites à une seule représentation. Mais ce que vous avez dit à l'instant, à savoir qu'on peut associer l'idée de limite au fait de se frayer un chemin, ça me fait penser à ce qu'a fait un de mes amis alpinistes qui s'appelle Lionel Daudet. En 2011, il a effectué sans aucun moyen mécanique le tour de la France en suivant au mètre près la ligne de frontière. C'est-à-dire en gardant en tout endroit un pied en France et un pied hors de France. Voilà. Ce qui représente plus de 500 km de dénivelé positif, donc de dénivelé négatif également. Il a escaladé plus de 1200 sommets, il a marché plus de 6000 km. Quand vous regardez par où passe la frontière entre, par exemple, la France et l'Espagne, ou bien entre la France et l'Italie, eh bien vous mesurez la hauteur de l'exploit, sans même compter les innombrables clôtures et autres grillages de propriétés privées qu'il a dû escalader aussi, le lac Léman qu'il a traversé en kayak, la Corse dont il a fait le tour en voilier, les serviettes de plage entre lesquelles il a dû slalomer, la foudre qu'il n'a pas eu besoin de traverser puisque c'est elle qui l'a transpercée du bas du dos jusqu'au bout des pieds quelque part dans les Alpes, sans compter non plus les chasseurs qui ont failli le prendre pour cible dans les Ardennes, j'en passe et des meilleurs. Il a beaucoup réfléchi à cette idée de frontière, de limite, et il l'a décrit en effet comme un lieu dynamique. Voilà, mobile, qui est un entre-deux en fait, qui est toujours un entre-deux et qui, au fond, sert aussi bien à refouler qu'à laisser passer, qui est une sorte de filtre et non pas comme on le présente souvent dorénavant comme un carcan rigide qu'il faudrait ou faire valser ou réintroduire de façon tout à fait autoritaire. En fait, cet homme-là que vous décrivez, il a pris la limite au mot et forcément que s'il la vit, s'il l'éprouve, il se rend compte que c'est beaucoup plus mouvant qu'on en a la représentation trop simple de la ligne blanche sur l'autoroute, quoi. Oui, ça n'a pas toujours le même statut. Parfois, c'est comme une sorte de mur qu'on ne peut pas traverser. À d'autres endroits, c'est une invitation, au contraire, à une forme de transgression. Enfin, il a exploré toutes ces possibilités. Mais vous m'accordez un grand. En science, par exemple, l'idée de limite a toujours été très féconde. Par exemple, est-ce que la divisibilité de la matière a une limite? La question s'est posée, elle a abouti à concevoir la notion d'atome. Mmh. Et puis, il y a la vitesse de la lumière dont vous parlez, qui est une vitesse limite, c'est-à-dire qu'aucun objet matériel, aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Sinon, ça reviendrait à pouvoir voyager dans le temps, ça ne respecterait plus le principe de causalité. Et d'ailleurs, la vitesse de la lumière a une belle anagramme qui est « limite les rêves au-delà ». Mais ça n'est pas une vitesse absolue. Puisque vous connaissez certainement l'argument du phare, il y a des choses qui vont plus vite que la lumière. Si vous prenez un phare qui tourne sur lui-même, si autour de ce phare vous installez un écran cylindrique centré sur le phare tourne, la lumière qu'il émet se dépose sur l'écran, et si la vitesse de rotation du phare augmente, et si le rayon du cylindre qu'on a mis autour de lui augmente également, arrivera un moment où la lumière qui se dépose semblera se déplacer plus vite que la lumière. Sans que ça viole la relativité, parce que ça n'est pas de la lumière qui se déplace, c'est simplement différents impacts d'une lumière qui a une origine commune dans tous les cas, qui se déplace. Donc il y a des cas où des choses, entre guillemets, vont plus vite que la lumière sans que ça viole du tout le principe de relativité. Mais c'est un détail. Je voulais vous interroger sur la tentation de l'effacement. Vous parlez notamment de la tentation de l'effacement entre l'homme et la machine. Et vous citez Ray Kurzweil, qui est un des grands penseurs, si on peut dire, de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et il dit des choses qui vont directement dans ce sens. Je le cite, « Le but de la vie est d'aller toujours au-delà des limites. Parmi toutes les espèces, ce que les êtres humains ont d'unique, c'est de transcender toutes les limitations. Nous ne restons pas rivés au sol, ni bloqués sur cette planète, et nous ne restons pas non plus dans les limites de notre biologie. Cette évolution est aussi un processus spirituel. » Et ma question, c'est comment des propos qui sont finalement assez assez niais, parce que les termes sont mal définis, c'est quand même une espèce de gnose, beaucoup plus qu'un discours scientifique. Comment est-ce que des propos aussi simplistes peuvent avoir l'écho qu'ils ont ou qu'ils ont eu? Écoutez, nous, c'est justement, c'est vraiment au sortir de ce travail que nous avions fait sur ces enquêtes, sur cette enquête et sur ces rencontres que nous avions fait à l'occasion de ce livre qui s'intitule Humain, et notamment la rencontre avec Ray Kurzweil, oui, le pape du transhumanisme. Oui, vous l'avez vraiment rencontré, lui. Ah oui, oui, oui, on est allé dans son bureau et voilà, on a parlé pendant un long moment ensemble. Il était d'ailleurs très sympathique. Et puis nous avions aussi à cette époque rencontré George Church, qui est un généticien, Douglas Melton, un biologiste, et les trois nous disaient oui, un jour, on pourra arrêter la mort. Le comment n'était pas très authentifié, mais à partir de là, c'est ça aussi qui nous a interpellés concernant justement déjà cette notion de limite. Et moi, j'ai une hypothèse, j'ai le sentiment que ces gens remplissent comment dire, une fonction de fabricant de fiction, de récit, qui manque cruellement. Et que, vous savez, ils ont tous les gens qu'on a interviewés aux États-Unis, Marvin Minsky, qui est un des premiers qui a voulu créer un cerveau artificiel, ont un point commun. Ce sont des passionnés, ils ont été formés par, et ils sont étaient des amis d'auteurs de science-fiction. Et en réalité, c'est ce mélange entre la science et la fiction qui fascine tant de nos jours. C'est-à-dire, à la fois, ça sert à faire peur, ça sert à faire rêver, sans que les résultats scientifiques ne suivent automatiquement. Mais justement parce qu'au fond, c'est cette fonction de frémir, de rêver, de s'inquiéter, qu'on leur raconte des histoires sur, évidemment, la fin de la limite ultime, qui est la seule limite, qui est celle de la mort. Donc je crois que ça remplit cette fonction de nous bercer en nous terrifiant en même temps. Ça donne à l'idée de progrès l'occasion d'une sorte de rédemption finalement. Oui, avec l'idée, je pense, d'un progrès. Oh, j'ai pas le droit. Un progrès qui soit indéfini, qui soit non pas par dépassement des limites comme était le progrès moderne, celui depuis la Renaissance de l'industrialisation, de l'expansion et du capitalisme, mais presque une autre forme de progrès par effacement, estompage, annulation des limites. L'idée, elle est illustrée par Ray Kurzweil, par le transhumanisme, par le fantasme d'une disparition de notre mortalité. Ça, c'est une sorte d'illustration ultime. Mais quand vous parliez de cet effacement général, je crois qu'on trouve dans notre époque, depuis assez récemment, quelques dizaines d'années, ça date de la fin du... Disons, on ne peut pas le dater à une année près, mais disons, les dernières décennies du XXe siècle et nos 20 dernières années, l'idée qu'il faudrait effacer partout les limites, entre hommes-machines, entre genres, entre l'homme et l'animal, entre les espèces, entre l'homme et la nature, entre l'homme et la technique, entre le domicile et le travail, ce sont des choses très différentes, bien évidemment, mais qui ont en commun que le rêve qui est sous-tend tout cela. C'est une sorte de fluidité permanente, le continuum qui l'emporte sur les délimitations, l'indifférenciation qui se manifeste finalement partout, et le progrès ne prend plus la forme d'un dépassement des limites, mais plutôt de leur effacement, estompage, annulation, gommage, pour aboutir à une sorte d'indifférencié fluide et mobile. Et dans une fusion avec le cosmos, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez mentionné l'idée de la gnose, mais c'est à ce niveau-là que ça peut être repéré. C'est cette fusion qui fait que, à la limite, il n'y a plus de distinction non plus entre l'homme et le divin. C'est ça, mais dans une sorte de aussi, de, je crois, de décorporisation, c'est-à-dire l'idée... C'est d'en finir avec le corps, d'en finir avec le poids du corps, avec les limites du corps. Si on peut télécharger sa conscience sur une machine, alors on n'est plus dépendant du corps. Et il y a une sorte de... Voilà, de... Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la pandémie qui a cours n'a pas un peu calmé tout le monde ? Absolument. On a été soumis à notre socle biologique d'une façon assez pédagogique. Et aux limites, à toutes les limites, ça a rendu, et c'est vrai que c'était passionnant pour nous qui avions commencé à écrire ce livre avant la pandémie, de voir comment ça a rendu tout d'un coup ce qui était en filigrane, ce qui était en souterrain, a émergé d'une façon incroyable et très palpable. Alors c'est un paradoxe parce que justement c'est le moment où on ne se touche plus, on ne s'approche plus, mais c'est bien ça qui a fait prendre conscience de qu'est-ce que c'est la limite entre les corps. Mais avant vous étiez dans ce que... Un philosophe que vous citez, Jean-François Bronstein, appelait un mélangisme cosmique. Voilà, c'est ça. Il y a cette tentation, en tout cas, de ce mélangisme cosmique, de cette indifférenciation qui, au fond, réduit tout au même que soi. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre l'homme, la femme, la pierre et l'animal, l'arbre et la machine. La vie et la mort. Et d'ailleurs, absolument. À propos de la vie et la mort, est-ce que vous avez demandé à Ray Kurzweil, quand vous l'avez rencontré, si on devenait un jour immortel, ce qu'il croit possible, et même certain, si je crois à certains de ses textes, est-ce que vous lui avez demandé comment on s'en rendrait compte ? Comment est-ce que l'humanité, qui a toujours été composée d'individus mortels, pourrait savoir qu'elle est devenue immortelle ? Il faudrait attendre très très longtemps pour en être sûr. Ah oui, mais bon, lui, il fait le pari qu'il va pouvoir vivre ce temps-là, vous savez, que, et c'est vrai. Oui, mais comment il saurait qu'il est immortel ? Mais dans le temps. Il faut attendre très longtemps, il ne le saura jamais du coup. Et d'ailleurs, quelqu'un qui saurait qu'il est immortel, sans doute ne sortirait plus de chez lui. Il aurait trop peur de perdre non seulement la vie, mais l'immortalité. Ce qui est c'est possible. Plus... Oui, mais vous savez, c'est Simone de Beauvoir qui, si je ne m'abuse, a fait un roman là-dessus dont le titre est en train de m'échapper. Mais c'est l'histoire d'un type qui ne meurt plus. Et qui, étant devenu immortel, en tout cas au bout de quelques siècles, est devenu un clochard. Il n'a plus goût à rien, il n'a plus envie de travailler, ni de vivre, ni d'aimer. Et son immortalité supposée devenue réelle est en même temps une sorte de perte de l'existence, de l'humanité, du désir et de la vie. J'imagine, Monique Atlan et Roger Polroy, que ni l'un ni l'autre d'entre vous ne pratiquent la sylvothérapie, qui consiste à embrasser des arbres. Non, je préfère les regarder. Moi, j'adore les arbres, mais c'est vrai que cette attitude-là d'embrasser les arbres me paraît tellement bébête, au fond, que non, j'arrive pas à ça. Non, je ne sais pas faire ça. Vous savez qu'il y a un texte de Platon... Vous citez, oui. Oui, où il se moque de ceux qu'il appelle les amis de la terre, c'est-à-dire pour lui, non pas les écologistes, il n'y en avait évidemment pas au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais de ceux qui sont finalement des adorateurs du sensible, ce qui pour Platon est une horreur. Et il dit, il finirait bien un jour par embrasser les arbres, mais c'est une sorte d'exemple extrême, limite, grotesque pour un grec de l'Antiquité. Il pourrait vous rétorquer que les arbres, les tables, les animaux, les humains sont tous, de façon différente, mais tous des poussières d'étoiles. Mais absolument. Mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, mais attendez, le fait qu'il y ait une seule et même matière cosmique qui, d'une manière ou d'une autre, nous imprègne tous, n'implique pas que nous soyons identiques. Ce qui est oublié par cette grande fusion cosmique ou ce désir magmatique d'indifférenciation, c'est qu'il y a des degrés de caractéristiques différentes selon les assemblages. et que bien évidemment, je veux tout à fait bien reconnaître qu'entre une méduse, moi, un grain de sable et puis une galaxie, il s'agit bien d'un continuum, mais chaque propriété, chaque élément a des propriétés différentes, et l'idée que nous puissions d'une certaine manière non seulement fusionner, mais simplement même nous prendre pour des arbres ou penser comme des montagnes ou des choses de ce genre, est une idée qui me paraît fondamentalement fausse, parce que même s'il y a une continuité des poussières d'étoiles, il y a aussi des délimitations, des distinctions, et selon les registres et les qualités d'assemblage, des propriétés qui ne sont pas les mêmes, ce qui est aussi une idée très simple, mais qu'on a tendance à un peu mettre sous le tapis. Je m'étais fait l'avocat du diable, vous le comprenez bien. Oui, on va parler un peu du monde numérique qui est celui qui s'impose de plus en plus dans nos vies quotidiennes. J'ai trouvé un texte de Paul Valéry qui date de 1937, dans lequel il avait vu venir les choses. Il écrit « Après votre dîner, et dans le même instant de votre perception ou de votre durée, vous pouvez être par l'oreille à New York et bientôt par la vue, tandis que votre cigarette fume et se consume à Paris. Au sens propre du mot, c'est là une dislocation qui ne sera pas sans conséquences. » Or, dans votre livre, vous expliquez certaines de ces conséquences, justement. Vous parlez même du burn-out en disant qu'il est engendré par l'effacement des limites. Oui, parce que il y a bien évidemment extraordinairement nombreux sont les avantages du numérique. Il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de phobie archaïque et de scrogneugneux ronchon. Mais à côté de tous ces avantages, il y a le fait que le temps est figé. Et l'espace, d'une certaine manière aussi, quoi qu'on fasse, il y a beaucoup plus de choses sur chacun de nous sur la toile qu'il n'y en a dans la réalité. Et ça ne s'efface pas, et ça reste, et même si on veut anonymiser, même si on veut effacer, ça se retrouvera toujours quelque part. Et il y a là quelque chose qui change, je crois, profondément le rapport des individus aux limites de leur existence, aux limites de leur vie privée. Effacer ces traces, autrefois, non seulement c'était très simple, mais ça se faisait tout seul. Il n'y avait pas besoin de chercher à les effacer, parce que l'oubli des choses et des gens et des documents se faisait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, avec sans doute quelques avantages, mais avec aussi, je crois, beaucoup d'inconvénients. Mais on a tendance à dire que tout s'accélère aujourd'hui. Or, les vitesses de déplacement, par exemple, n'augmentent plus. Il n'y a plus de projet de construction d'avions supersoniques, en tout cas pour les transports civils. Les voitures ne vont pas plus vite qu'avant. Il y a même des limitations de vitesse qui sont de plus en plus drastiques. Les trains ne vont pas plus vite qu'il y a 10 ans, les avions non plus. Et donc, qu'est-ce qui crée cette impression de vitesse omniprésente, si j'ose dire ? Alors même que physiquement, nos déplacements sont plutôt plus longs qu'avant. C'est plutôt l'information qui se démultiplie. C'est l'instantanéisation du présent. C'est quand même une annulation du rapport au temps, enfin une tentative d'annulation de rapport au temps qui passe, qui se déroule. L'idée qu'on va pouvoir vivre chaque instant comme séparé de les uns des autres, qu'il n'y aurait pas un lien entre les instants. Et je crois qu'effectivement, il y a ce fantasme-là d'annuler l'idée d'un avenir et celle d'un passé, et de s'occuper uniquement, de se focaliser sur une multiplication d'instants qui vont aussi vite que de cliquer pour envoyer un tweet ou pour une conversation en fait par émoticône. C'est-à-dire qu'il y a cette soumission, je crois, à ces technologies, cette fascination, encore une fois, à ces technologies, et au fond, un désir de parer, à mon avis, à quelque chose qui est omniprésent et qui explique ce rapport au temps, c'est probablement les solitudes contemporaines, en fait. C'est parce que très souvent, on parle du pouvoir monstrueux que prennent les GAFA, de cette façon d'user de nos données, mais nous participons amplement, en tout cas certains d'entre nous, participent amplement et tout à fait volontairement à cette effusion entre les GAFA et nous, c'est-à-dire à donner les données, abandonner ces données pour avoir un sentiment de participer à quelque chose de commun. Voilà. Je crois que cette solitude-là est quelque chose qui est quand même tout à fait masqué, mais qui explique ce rapport au temps aussi. Mais cet effacement des limites qui correspond à ce présentisme que vous décrivez là, il provoque aussi des réactions. Et vous le dites vous-même, il y a des tentations de durcissement des limites. Vous dites que ce sont souvent des réactions de type populiste. Vous présentez l'écologie comme une demande d'instauration de limitation. Et vous parlez même d'une dictature du limitariat. En disant que, par exemple, les collapsologues, ceux qui prédisent un effondrement prochain, n'ont pas vraiment d'arguments scientifiques pour étayer leur thèse, et qu'il s'agit plutôt d'une collapsosophie, c'est-à-dire une sorte de gnose, on pourrait dire ça comme ça, qui nous fait penser que nous sommes... nous allons dans le mur. Alors, nous allons dans le mur est la phrase que depuis le rapport Meadows et depuis les années 70 et le Club de Rome, on ne cesse d'entendre. Le mur recule assez heureusement à mesure. Mais surtout, si vous voulez, il y a effectivement contre. Excusez-moi, mais c'est peut-être l'inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire, nous sommes peut-être mortels, mais comme je parle de notre mode de vie, il est peut-être mortel, mais comme nous ne le savons pas, nous pensons qu'il est immortel. Oui, tout à fait. Il y a à côté de cet effacement et ce désir profond d'indifférenciation, eh bien, il y a par réaction et de façon très diverse et je crois très profonde, une volonté de remettre partout des limites, mais souvent d'une manière un peu, justement, simpliste, fruste. Alors, ce sont les populismes qui réinstaurent des frontières, qui reconstruisent des murs, et ce sont aussi, autrement, ce qu'on appelle la dictature du limitariat, c'est les écologies de type punitif, qui veulent absolument, de façon non drastique, autoritaire, éventuellement dictatoriale, imposer des restrictions nouvelles. Et tout ça, bien sûr, ça se fait, et je crois que c'est ça probablement qui les réunit dans leur diversité, tout ça se fait toujours au nom du bien, du vrai, du juste, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que, finalement, réimposer de façon rigide et drastique partout des limites, c'est vertueux. Ça doit se faire finalement de manière glorieuse, y compris quand c'est non justifié. C'est contre ça qu'on essaye justement de repenser l'idée de limite comme un espace à la fois de liberté, mais aussi de négociation. Je ne sais pas si c'est vertueux, mais je vais vous imposer une limite temporelle, une frontière qui coupe l'histoire de cette émission en deux. Il y a un avant et un après, qui sont séparés par le morceau de musique que vous avez choisi et que nous allons écouter et vous nous le présenterez à posteriori. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Monique Atlan, Roger Paul-Droit, vous avez choisi ce morceau écrit et interprété par Astor Piazzolla. Je vous laisse dire le nom du morceau parce que j'ai peur de mal le prononcer. Alors, j'imagine que c'est parce que vous l'aimez ce morceau, mais peut-être aussi parce qu'il a un rapport avec la question du jour. Oh, d'une certaine façon, oui, mais c'est d'abord parce que j'ai une passion pour cette musique, pour celle d'Astor Piazzolla. Et le morceau s'appelle Milonga del Angel. Voilà. Et je crois qu'en fait, oui, ça a un rapport parce que Astor Piazzolla est celui qui a voulu dépasser les limites du tango en créant cette musique qui s'appelle Tango Nuevo, toute une œuvre qui a voulu dépasser le tango comme simple danse populaire, mais en faire une musique qui maintenant se joue comme d'un grand classique dans les salles de concert du monde entier. Donc c'est celui qui dépasse les limites, Astor Piazzolla. Et Roger Paul-Droit était d'accord avec ce choix ? Oui, j'ai appris, grâce à Monique, à aimer Piazzolla. Je l'ai découvert parce que c'est un univers très, très, très fascinant. Mais on se fait découvrir des choses l'un à l'autre, heureusement. Alors, on va continuer notre discussion sur l'idée de limite et en faire un peu l'histoire, puisque vous racontez très bien, de façon très précise, donc nuancée dans votre ouvrage, les trois grandes phases que vous décrivez avec moult citations. Est-ce qu'on peut brièvement en faire le portrait ? Quelle est la première phase ? Celle des Grecs et des... C'est très simple. Ces trois phases, tenir en trois mots. Respecter, dépasser, effacer. Ce qui respecte les limites, c'est toute l'Antiquité. Ce qui veut les dépasser, c'est toute la modernité. Et ce qui veut les effacer, c'est finalement la postmodernité, les 50 dernières années. Voilà le découpage. Alors, bien sûr, il est un peu... à la hache, il est un peu gros, mais je crois que ça donne surtout une idée du fait qu'il n'y a pas une idée de limite en soi, il n'y a pas une essence conceptuelle de la limite, et il y a des représentations qui, bien évidemment, sont historiques, culturelles, sociales, et qui ont une épaisseur. Et ce qu'on a juste voulu montrer, en le rappelant, c'est l'idée que, dans l'Antiquité, domine, chez les Grecs d'abord et dans la culture des Romains ensuite, cette idée que finalement les limites sont une bonne chose. Elles sont valorisées, elles sont recherchées, il faut les construire, il y en a partout. Ça ne veut pas dire qu'on les respecte toujours. Les Grecs savent très bien, comme toutes les cultures, qu'il y a de la transgression, qu'il y a de l'excès, ce qu'ils appellent l'hubris, la démesure. Mais l'idéal, c'est de ne pas y tomber. L'idéal, c'est de rester à travers des mesures, le bon travail philosophique, éthique, politique, c'est de construire des mesures, construire des lois, construire des éthiques, et finalement... parvenir, si vous voulez, rester dans la mesure et respecter la limite, c'est une conquête. C'est pas une soumission. Quand Aristote invente le juste milieu, c'est pas simplement ce qu'il appelle meson en grec, c'est pas l'équilibre où on se tient comme ça, comme une balance immobile, c'est quelque chose qui se conquiert sur soi-même en n'étant, par exemple, ni téméraire ni peureux, pour définir ce milieu qu'est le courage tempéré. Et cette idée d'une tempérance, elle est, encore une fois, valorisée, construite, quelque chose que l'on fabrique. Ça veut dire que pour les Grecs, les limites sont des conquêtes, comme vous venez de le dire, et non pas des servitudes. Absolument. Mais j'ai compris en vous lisant d'ailleurs que je faisais un contresens sur le sens de la maxime de Delphes reprise par Socrate, connais-toi toi-même. Il ne s'agit pas de savoir quel caractère est le sien, de découvrir ses points forts et faiblesses, c'est autre chose. Ah oui, c'est pas le grain de beauté, moi j'appelle ça le grain de beauté, c'est le connais-toi toi-même, de sache comment tu es toi, personnellement, toi Étienne, ou toi Roger Paul, ou toi Monique, etc. Bon, non, connais-toi toi-même veut dire sache que tu es un être humain. Connais ta place comme être humain, alors pour les Grecs, entre les dieux au-dessus et les animaux en dessous. C'est-à-dire que tu as des caractéristiques et des spécificités qui sont celles de ton espèce, finalement, de ta place. Et c'est ça que le « toi-même » signifie et pas l'individu. Mais surtout, si on veut comprendre alors comment on passe de là, de l'antiquité respectueuse des limites, à la modernité qui veut les dépasser, ben, il y a un point charnière assez simple, c'est de regarder ce que les Grecs appelaient les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, en gros, pour nous, et ils se les représentaient avec cette inscription « Nec plus ultra », pas plus loin. Elles étaient, ces colonnes ouvrant sur l'océan, d'une certaine manière, les limites du monde qu'il valait mieux ne pas franchir parce que l'océan était un mauvais infini, d'une certaine manière, une sorte de risque et de danger. Et on retrouve à la Renaissance, chez Francis Bacon, dans la Nouvelle Atlantide, il y a un frontispice où on revoit les colonnes d'Hercule, et là c'est plus ultra, plus loin. Il faut conquérir le monde, il faut s'aventurer sur l'océan, il faut marquer ce territoire sans limite, alors que pour les Grecs, la mer, c'était justement là où il n'y avait pas de chemin, où les traces s'effaçaient. Il y avait quelque chose d'un peu inquiétant dans ce sans limite océanique. Au contraire, c'est la marque de la modernité de vouloir toujours aller plus loin. Cette fois, il s'agit non plus de respecter les limites, mais de les dépasser, au risque parfois même de les transgresser. Mais dépasser les limites, ça veut dire toujours plus loin dans la connaissance, dans la production, dans l'exploration du monde. Mais parce que d'une part, on postule, je pense que Newton a joué un rôle, que le temps est linéaire, il ne fait pas de boucle, il n'est pas cyclique. Exact. Et puis surtout, on pense que le savoir donne du pouvoir, et donc l'ignorance devient l'ennemi à abattre, par le savoir, justement. Avec aussi ce paradoxe que plus on en sait, plus on découvre qu'on en ignore. Donc il y a une sorte de mouvement, évidemment, de dépassement permanent et indéfini, qui est, alors, finalement, le moteur de la connaissance, de la technique, de la conquête du monde et aussi de l'expansion économique de la modernité, mais avec un point tout à fait important, c'est que ce dépassement des limites suppose toujours d'en maintenir. Exactement comme le sportif qui bat un record ne fait que poser une limite qu'il va falloir de nouveau dépasser. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose que l'effacement moderne, ce n'est pas le respect antique. C'est un déplacement, ce n'est pas une abolition. Voilà, c'est un toujours plus loin en déplaçant et en voulant conquérir, mais non pas en effaçant les délimitations, les frontières et les bornes, comme le veut l'époque actuelle. Il y a d'ailleurs un petit point, si je puis me permettre, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, alors que l'ensemble du livre m'a convaincu. C'est quand vous parlez de physique quantique, vous la présentez comme une limitation du pouvoir de connaître, en vous appuyant sur ce qu'on appelle le principe d'incertitude, l'idée qu'on ne peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule, avec une précision arbitraire. Ça, c'est l'énoncé de 1927, mais il a été retravaillé par la suite en un principe d'indétermination. C'est-à-dire que si on ne peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule, c'est non pas parce que notre connaissance ou nos mesures sont limitées, c'est parce que les objets quantiques n'ont pas ces propriétés. Et donc, il n'y a pas de... C'est une révolution ontologique et non pas une évolution. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes objets qu'avant, des corpuscules, disons, qui auraient une vitesse et une position bien déterminées, qu'on pourrait moins bien connaître en physique quantique qu'on ne le pensait possible en physique classique. C'est que les objets, c'est simplement un principe qui dit que les objets classiques n'existent pas. Et que les objets quantiques ont des propriétés qu'on ne peut pas traduire en termes classiques en toutes circonstances. C'est ma seule nuance. Voilà. Mais c'est simplement pour souligner, et je bats ma coulpe, mais le retard du philosophe lambda sur le... Oui, parce que dans les livres de terminale de philosophie, on énonce encore le principe d'incertitude de 1927, et on le présente en effet, comme vous le faites, comme une limitation du pouvoir de connaître. Eh bien voilà, je prends mon batteur de poulpe. Mais alors l'effacement auquel nous assistons et que vous avez décrit et que vous commentez encore plus profondément dans le livre, est-ce qu'il vient d'un excès de désir? Voilà. Ou est-ce qu'au contraire il vient d'une panne du désir? C'est-à-dire que les frontières ou les limites que nous connaissons nous semblent banales, de sorte que nous n'avons plus de désir même de les confronter. Et du coup, on essaie de les abolir pour cette, enfin, de les effacer pour cette raison. Oui, c'est la question qu'on s'est posée tout au long de ce livre, parce que c'est vrai que, au fond, il y a en apparence une avidité du toujours plus, de la consommation, des marchés boursiers, de la vitesse, comme vous l'avez énoncé, alors que effectivement, dans le réel, on va moins vite, d'un désir comme ça, toujours plus de mobilité permanente. Et en fait, alors on pourrait dire que ça, c'est un désir exponentiel. Sans fin, un désir infini, ou alors peut-être que ça cache, ça masque une sorte de désir en panne, hein, qu'on n'a plus de ressort au fond et qu'on se réfugie dans l'idée d'une sorte de, voilà, de ce sentiment océanique, vous savez, que Romain Rolland présentait à Freud dans leur conversation, c'est-à-dire un retour à cette fusion, à cet indifférencié que Freud n'a pas du tout acheté, si on ose dire, si je peux dire. C'est-à-dire que non, pour lui, il y avait des différenciations entre le conscient, l'inconscient, entre le désir, les désirs conscients, les désirs inconscients. Et donc, il y a quand même ce trame actuellement dans cette attirance pour les philosophies orientales. Vous évoquiez le temps cyclique tout à l'heure. Effectivement, il y a comme une sorte d'attirance pour quelque chose qui nous permettrait de nous défaire des injonctions, de l'action, du dépassement, effectivement. Donc, c'est à double fond. D'une certaine façon, et c'est vrai que c'est très difficile de conclure, mais... Est-ce que c'est ce qui explique, par exemple, le fait qu'un sport comme le surf soit très à la mode? Alors, il n'y a pas vraiment de règles dans le surf, on sait sporter. Absolument. Alors que les sports plus traditionnels, comme le football, le rugby, qui ont toujours un grand succès, sont régis par des lois et des règles très strictes. La différence, c'est qu'en fait, le football et les sports, il y a des sports d'équipe et des sports solitaires, en fait, qu'on fait en individuel. Et c'est toujours cette, à mon avis, cette même interrogation sur cette incapacité contemporaine de faire appartenance commune, de jouer collectif au fond. On le voit depuis un an, deux ans, la crise des gilets jaunes et tout ça. Bon ben dans d'autres pays aussi, il y a cette difficulté de se penser en appartenance commune. Et c'est, je crois que c'est un des grands risques qui émerge et qui va produire ses effets dans les temps qui viennent. Alors justement, j'en viens presque à votre conclusion. Comment retrouver le sens des limites d'une en façon acceptant qui... l'idée que nous sommes des êtres de limites, et surtout en acceptant l'idée que la limite est la condition même du vivant. La limite est la notion qui fonde les autres notions. C'est elle qui permet la séparation entre les éléments, donc leur liaison. Et ça, c'est, je crois, quelque chose que beaucoup ont perdu de vue. Et vous dites même que la limite permet la pensée. Si on ne pense pas la limite, alors la pensée n'est pas possible. D'où ma question, est-ce que cette notion de limite existe dans tous les langages? Et si oui, en quoi est-elle tributaire de la façon de la dire? Est-ce qu'un Chinois va penser la limite comme un Occidental, par exemple? Vous citez François Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les transformations silencieuses », dans lequel il montre que les Chinois arrivent mieux à dire les processus, les frontières qu'on traverse. Par exemple, nous avons du mal à dire la séparation nette entre un flocon de neige et la goutte d'eau qu'il devient lorsqu'il a fondu. Oui, absolument. Ce qu'a très bien montré François Julien, c'est comment la pensée occidentale et toute la métaphysique issue de Platon et d'Aristote a beaucoup de mal à penser la transition. On peut penser la neige, on peut penser la neige fondue et l'eau, mais on a beaucoup de mal à penser la fonte, le passage. Et les Chinois, selon lui, ont plus de propension à réfléchir aux continuités, aux transitions. Un des exemples qu'il prend qui m'a le plus frappé, c'est comment on fête en Chine le printemps en février, c'est-à-dire au moment des neiges, en anticipant sur ce qui est déjà là et juste en train de s'amorcer. Et il y a les mêmes choses, si vous voulez, chez les stratèges chinois, je pense à Sun Tzu, par exemple, où il s'agit finalement, pour le bon général, de ne pas se battre de manière frontale dans un choc d'armée à armée d'une bataille, mais de faire en sorte que l'armée adverse s'enlise simplement parce qu'il a compris en amont quel processus va se dérouler. Et je pense que ce qu'il faut, je reviens à notre question des limites, ce qu'il nous faut arriver à penser, à changer dans notre regard, c'est qu'au lieu de penser les limites comme des restrictions, comme des interdits, comme des choses qui viennent nous contraindre, il faut les penser comme des délimitations positives. Vous parliez de la pensée, par exemple le vieux mot grec « krino », qui a donné « krisis », la crise, « kritikos », la critique, etc. Ça signifie « discerner », « juger ». Et à chaque fois, il y a toujours ce processus de délimitation, de séparation des différentes idées, des nuances d'un concept à l'autre. Il y a aussi la nécessité, dans toutes les langues, alors, de distinguer les mots des uns des autres, les sonorités les unes des autres. Et sans ces limites qui séparent et qui permettent de distinguer, il n'y aurait ni parole, ni pensée, ni vie. Ni société. Et je crois qu'on peut rajouter quelque chose, c'est qu'au fond, la limite pose la question très complexe de comment tenir ensemble le continu et le discontinu, le déterminé et l'indéterminé. Et effectivement, la limite se place dans cette zone floue qui est une zone pas nette, qui est une zone de naissante. Hein, le philosophe américain Charles Sanders Peirce parlait. Ah oui, celui qui a fait tomber une goutte d'encre, qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, exactement. Et effectivement, toute sa question, c'était comment de résoudre des problèmes de la logique classique qui est au fond séparé en deux royaumes, celui de l'affirmation d'une proposition ou de sa négation. Et lui, il pense que c'est pas possible de s'en tenir là, et il parle des états intermédiaires, des états vagues, des états naissants où se loge justement la limite. Bien que ça ne veuille pas du tout dire qu'il n'y ait pas de limites imprescriptibles. Il y a des limites, il y a des tabous, il y a des choses qui organisent anthropologiquement les sociétés. Mais c'est vrai que la question demeure comment tenir ensemble ces éléments qui, normalement, sont censés s'opposer. Roger Paulroy, Monique Atlan, je voudrais vous faire réagir à un petit texte qui a été écrit par Fab Caro, vous savez, cet auteur de bande dessinée, qui a publié notamment un album qui s'appelle Open Bar, dans lequel on voit un cinéaste qui est devant un journaliste qui l'interroge pour parler de son dernier film. Et le journaliste lui dit « Dans votre film, il y a cette scène où une famille est coincée dans un embouteillage sur l'autoroute un week-end de juillet. Le père a mis le nocturne de Chopin et le fredonne en tapotant sur son volant. Son épouse lui caresse les cheveux en lui souriant tendrement. Les enfants lisent calmement et n'ont pas envie de faire pipi car ils ont pensé à faire pipi avant de partir. À un moment, ils ouvrent un paquet de biscuits au chocolat sans en laisser tomber un seul sur les sièges. Et le journaliste demande au cinéaste « Où êtes-vous allé chercher tout ça ?» Et le cinéaste répond « Écoutez, je crois que scénaristiquement, il ne faut s'imposer aucune limite. » Eh bien, l'utopie existe, vous voyez. Ou la folie, on ne sait pas. Non, mais ça veut dire aussi, enfin, il y a quand même des effets de seuil, parce qu'il y a des phénomènes qu'on a longtemps tolérés. Vous évoquez d'ailleurs le phénomène MeToo, il y a des choses qu'on a tolérées, qu'on a n'a pas suffisamment dénoncé ou dite, puis tout d'un coup, ça devient quelque chose qu'on ne supporte plus. Absolument. Donc il y a un déplacement de la limite qui la reconfigure complètement et qui change la donne. Oui, ça s'appelle des révolutions morales. Ça, c'est le philosophe Kwame Appia qui a très bien montré ça dans son livre sur l'honneur. Que ça soit l'abolition du duel en Angleterre, que ça soit la fin des pieds bandés dans la culture chinoise, que ça soit l'abolition de l'esclavage dans la culture européenne, tous les arguments sont là avant. Tout le monde a déjà dit les raisons pour lesquelles il fallait abandonner. Et ça continue. Et puis à un moment, effet de seuil, ça bascule. C'est assez parfois mystérieux de savoir pourquoi ça bascule à un moment alors que tout a déjà été dit et que ça passe dans les faits. Mais il y a effectivement, Camus dit cela aussi très bien dans L'homme révolté, le moment où on se dit ça n'est plus possible, il faut arrêter. Un homme, ça s'empêche. Exactement. Merci à vous, Monique Atlan et Roger Paulroy. Je suis désolé, mais cette émission, elle n'a peut-être pas le limite, mais elle a une borne. Et la borne est atteinte. Je pense que vous serez d'accord pour dire, en citant José Violette, accepter les limites ne bouge pas l'horizon. Cela permet d'aller plus loin sans se perdre. Je recommande très vivement la lecture de votre livre, Le sens des limites, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous. C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Florent Bujon et à la réalisation Delphine Lemaire, qui est de retour. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gelsbert pour En français dans le texte.